Leone, Echo Trip, Felas for Click, Devil Prod. On peut le dire, qu'on pick up nos gars qui rap, sale 2014. Ah, je rappe ma vie, pas celle des autres. J'ai à peu près 30 fois 1000 combinaisons ou raisons de vous faire perdre la vôtre sur nos ondes. Que du rap véridique, du shit qui sent la bombe. J'avais le moral plombé, je suis passé au plan B. Petit à petit, je sors de l'ombre. Je fais mes tiesques avec des frelots véritables. On sait que l'oseille tombe pas du ciel quand ils se battent, toucher d'héritage. Faux MC, je suis irritable. FLOW redoutable. Instable, je suis rentré en posant mes deux poules sur la table. Ils me parlent de rap de rue, j'entends de la variété tout part. Dans le silence on opère, Brooke Nimzou, c'est claque tout part. Y'a trop de suceurs depuis, demi-thomane derrière des mics comiques. On se moque de la chronique, penchant pour la weed hydroponique. Je suis resté véritable depuis l'époque, mes premiers 16. Comme quand j'oubliais mes paroles, défoncé au sky sur scène. Je me prends la tête chaque fois pour tcher des paroles sincères. Du rap qui sort des tripes, c'est tout ce qu'on te sert et c'est tout ce qu'on sait faire. On s'attrape le peur à part les chiffres, on parle les chiffres. Très loin de leur groupe de merde, on s'en sortira seul contre 10 impératifs. On te le dit qu'on pick up nos gars qui rap, ça le parle mal, perd leur chico et dans la street finissent rap tap. Viens pas me dire qu'il y a la vie sous la peau. Voilà mon avis, ma mémoire j'ai laissé dans ma pomme. A trop vouloir le trône, les rats bouffent la tôle. A trop le soir, les cailloux se brûlent par tonne. Vrai M6 font de la vraie musique. Trop confondre fiction et vraie vie, grave c'est abusé. Moyen d'expression, quand t'as les nerfs ou pour te vider. Malgré que souvent je plane, j'ai les deux pieds sur terre. Regarde les huiles avancent sur du plat pépère. Pendant que pour moi les nôtres, l'ascension grave galère. On reste tel que nous sommes. Quand je dis charbon, tu penses chicha. Moi c'est le taf qui me ramène la somme. On met le beurre dans les épinards grâce à la blouse. On garde nos futales, les autres le baisse en douce. Actif malgré ma life. T'inquiète pas pour moi, j'sais faire la diff. Quand check le mic ou quand j'mets bien la mif. Vrai connex sur les ondes, trop de merde donc j'déconnecte. On est real man, va pas croire ça déconner. De nos jours le vrai rap s'perd, c'est hallucinant. On s'attrape le peur à part les chiffres, on parle les chiffres. Très loin de leur groupe de merde, on s'en sortira seul contre 10 impératifs. On te le dit qu'on pick up nos gars qui rap, ça le parle mal, perd leur chico et dans la street finissent rap tap. Viens pas me dire qu'il y a la vie sous la peau. Voilà mon avis, ma mémoire j'ai laissé dans ma pomme. A trop vouloir le trône, les rats bouffent la tôle. Accro le soir, les cailloux se brûlent par tonnes. Vie de fou, musique qui défoule. Ne change pas de fusil d'épaule, sinon sur toi ça va la foutre. Au mec rester soi-même, pas jouer les brigands. Regarde ça, man, trop se prennent pour des stars, mais nul les brillants. Ma zig n'attire pas les foules, encore moins les founes. Y'a rien de magique, on joue de la prod sec comme au foot. Phileas Fogg, Echo Trip, c'est ma gueule, mon sang. Rien à foutre du style, j'défouraille le sang. J'suis entouré de vrais gars et j't'avoue que c'est bénéfique. Moi c'était tôt dans mon appart, j'm'enfermais pour compter le bénéfice. Et depuis le temps, j'ai tracé ma route sans faire les fils. J'rappais seul dans ma chambre, j'voyais grand, j'me faisais des films. J'avais l'instinct et l'envie, mais bon, depuis le pilon m'endort. Les années passent, le temps nous baisse, des proches partent, on se dit que c'est le coup du sort. Frère, ici, c'est soit tu coules, soit tu t'en sors. J'suis franc et direct, donc si j'ai un truc à dire, j't'en ferai pas un sonore. On s'attrape le peur à part les chiffres, on parle les chiffres. Très loin de leur groupe de merde, on s'en sortira seul contre 10 impératifs. On te le dit qu'on pick up nos gars qui rap, ça le parle mal, perd leur chico et dans la street finissent rap tap. Viens pas me dire qu'il y a la vie sous la peau. Voilà mon avis, ma mémoire j'ai laissé dans ma pomme. A trop vouloir le trône, les rats bouffent la tôle. Accro le soir, les cailloux se brûlent par tonne.